Le Rassemblement national consacré aux 52 ans de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée a eu lieu le 10 août courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères et des établissements centraux, les militaires de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, les cadres des établissements, usines, entreprises, ainsi que novateurs de Pyongyang. Choi Ryong-hae, membre du comité permanent du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, a dit dans son rapport que pendant tout le processus de la direction de notre parti, le général a accompli des exploits immortels. Il a édifié le Parti du Travail de Corée en partie du leader, Parti révolutionnaire Juche, par l'idée et la théorie originale en matière d'édification du parti et la direction éminente, et de continuer. La glorieuse histoire de notre parti sous sa direction, les exploits immortels et les riches expériences obtenues entre-temps servent de manuel encyclopédique dans l'édification d'un parti révolutionnaire à notre époque et de précieuse fortune garantissant le progrès victorieux de notre révolution et la victoire de la cause d'émancipation des masses populaires. Les exploits originaux réalisés par le général Kim Jong-il continuent brillamment aujourd'hui par le camarade Kim Jong-un. Le Parti du Travail de Corée qui progresse vigoureusement pour la victoire finale suivant le nouveau jalon de la cause révolutionnaire Juche avancé par le 7e congrès du parti sous le drapeau du grand Kim Il-sunisme, Kim Jong-lisme, manifestera seulement la victoire et la gloire sous la direction sage et éclairée du camarade Kim Jong-un. Par ailleurs, le même jour, les rassemblements consacrés à la même occasion se sont déroulés dans toutes les provinces, villes et arrondissements du pays.